derrière avec Guinla. Et Guinla vers Crosby. Here's a shot. And there's the made a wild stab towards Pell. Here's another shot. Fight by the door. Alors donc 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand même tirés au retour. Et le but. C'est long et c'est carré. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rougeur. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à la conduite de partie, l'émission qui vous parle de sport d'un peu partout à travers la planète, mais surtout en Mauricie. Bon matin, monsieur. Bon matin. Non, t'es pas là, Marc-Antoine. Ah, Marc-Antoine, micro 3. Bon matin. Non, prends ton 2, c'est correct, t'as le 2? J'ai le 2. Micro 2, donc Marc-Antoine. Trop de micro ce matin pour Marc-Antoine, ça l'a tout mêlé. C'était notre micro d'ambiance, hein? OK. Julien. C'est Julien. C'est Julien, oui. C'est Julien, la régie, qui s'est trompé. Alors, Julien n'a pas rien à se blâmer là-dessus. Je veux dire, t'avais choisi le mauvais micro, ouais, par rapport ça, à d'habitude. Vrai. Si tu changes les habitudes de Julien, tu sais comment il travaille, hein. J'avais le goût de changement aujourd'hui, changer la routine. Ah, écoute, un gars de même, hein, c'est le printemps, on a avancé l'heure, donc tu changes de micro, c'est ça? Ouais. Ouais. Et au micro 5, Philippe Doucet, ça va bien, Phil? Mm-hmm. Ouais. Tu nous regardes partir, ça dérape, t'as pas le goût d'embarquer, quoi? Non, c'est parce que... non, ça, c'est ça. J'étais un peu en... Il a pas eu un bon levé, Philippe. C'est ça. Non, ben c'est... Vas-y. Ma voiture est morte, j'ai donc été obligé de prendre le service de transport en commun de la ville de Trois-Rivières. Par premier temps, problème. J'y laissais une chance en partant. Donc, partant du carrefour Trois-Rivières-Ouest pour aller à l'université, je demande donc au chauffeur, monsieur le chauffeur, arrêtez-vous proche de l'université. Dormez-vous. Oui, effectivement, mais non, quand même sympathique. Bon, monsieur Bonas, mais bon, donc il me dit oui. Et je me ramasse 12 minutes plus tard derrière les rivières. Donc, pour le chauffeur d'autobus, derrière les rivières et l'université, c'est proche. Et pour les gens qui sont pas du coin et qui se demandent derrière les rivières, est-ce que c'est vraiment proche ou loin de l'université, t'en as pour 15-20 minutes de marche encore. C'est ça. Donc, c'est ça. Finalement, il n'y a pas juste moi qui trouve que ça manque de proximité leur affaire. Mais bon, ce qui m'a fait dire que le système de transport en commun de la ville de Trois-Rivières est idéal si vous aimez marcher. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Sur des trottoirs remplis de neige. Ah oui, ça aussi. Ah, après deux jours de pluie. Les trottoirs tout le tour de l'université ne sont pas déneigés, donc il faut marcher sur des récollets en pleine heure de pointe sur un trottoir en angle plein de glace. Mais moi, très pratique. Moi, dans ma rue, aujourd'hui, ce matin, j'ai pas le choix de rouler. Il y a deux tracks. Mais quand même, on se crée à Bagdad, là. Tu revoles partout. Tu sais. Je veux dire, il y a un Jeep qui a passé ce matin, puis lui-même, il y avait de la misère. Rendu là, c'est un peu... C'est triste. Je sais pas. Mais honnêtement, là, côté déneigement, j'ai probablement la pire rue à Trois-Rivières. Ben, probablement, j'ai un ami qui travaille sur le déneigement, puis comme je vous disais tantôt, ils sont sortis les deux fois cette semaine, là, alors qu'il n'y avait pas de neige, donc j'imagine pour creuser des poules. Ils sont allés ramasser les œufs. Ils ont quand même sorti assez fréquemment cet hiver, puis j'ai pas vraiment eu de problème, là, moi. Ben, moi, c'est... T'habites dans un raccoin. C'est bombs over Bagdad, là, carrément, là. Alors, ce matin, à l'émission, on va tout d'abord, on va vous parler de plusieurs sujets. On va parler d'hockey junior majeur avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Ça va être vers 9h30. Ensuite, à 10h15, à 10h, on va parler, probablement hockey en Mauricie et quelques autres petits sujets. On va parler aussi de football. C'est officiellement le lockout dans la NFL. Ouais. JP Grenier va venir nous parler de ça et on va rester avec JP Grenier. Donc, c'est le lundi JP Grenier ce matin. JP va être avec nous dans la dernière demi-heure de l'émission. Vers 10h30. Donc, on va discuter du March Madness qui arrive à grands pas. C'était le dimanche sélection. Hier, le Selection Sunday. Donc, on a fait les choix qui allait jouer contre qui dans le tableau principal. Ouais, ben, je me demande demandé le tableau principal, c'est pas plus comme le Final Four ou... Ouais. Non, je pense que t'as raison. Dans le tableau principal, oui, parce que les qualifications sont terminées quand on regarde ça comme ça. Donc, dans le tableau principal, qui va affronter qui est classé premier et qui a été mal classé selon lui. Donc, on va parler de ça. Mais tout d'abord, allons-y avec les Patriotes. Du côté du soccer, les deux équipes étaient en action hier. On débutait les séries. On va commencer avec les hommes. Match très, très, très serré là, du côté du Centre Alphonse Desjardins hier. Et les Patriotes l'ont emporté 1-0 en fusillade, mesdames, messieurs. C'était un match très difficile, très, très, très défensif comme partie. On a vraiment là du côté de Sherbrooke fermé le jeu. On a laissé peu de chances d'attaquer aux Pats et on a même menacé. Là, on s'entend que... On peut dire merci au temps alloué au terrain parce que, étant donné que la plage horaire était louée, on pouvait pas se permettre d'avoir du temps supplémentaire et d'aller directement. On devait aller directement en fusillade. Et je crois que ça a vraiment aidé les Patriotes parce que Sherbrooke a plus menacé que les Patriotes. Ouais, ben c'est ça. C'est que Sherbrooke en ayant un jeu extrêmement fermé, laissait le temps. Laissait peu d'espace aux Patriotes qui, eux, si on voulait créer quelque chose, on devait mettre plus de gens à l'attaque. Et c'est ce qui a fait que du côté des Patriotes, du côté du Varéor, on a réussi à contre-attaquer, profiter des trous qui s'étaient créés vu l'attaque supérieure des Patriotes. On a menacé quelquefois deux poteaux dans la deuxième demi. Aussi un tir qui a été bloqué, là, le filet a été ouvert et c'est le défenseur, si je me trompe pas, c'est Ibrahima Kidjera qui est venu bloquer le tir là, du bout du pied. C'était magnifique là, de son côté. Donc victoire en fusillade. C'est Vincent Guécoté, le gardien de but, qui a réussi l'arrêt en fusillade qui a permis aux Patriotes de l'emporter. Du côté de Sherbrooke, petit changement. Regardez, je veux savoir ton opinion là-dessus, Philippe, qui est notre expert soccer. Le gardien de but Julien Masson-Lefebvre Darko Petrovic a joué 88 minutes du match, effectué 4 arrêts. On arrive à 2 minutes de la fin, on le change pour Julien Masson-Lefebvre parce qu'on s'en va en fusillade. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Inacceptable. Inacceptable. C'est la même chose qu'au hockey, ben en oui, fait. Hein? Là, on a vu ça, là. C'est Danny Dubé, je crois, qui nous parle fréquemment de cette histoire-là. Là, qu'en fait, il y a un gardien qui est plus hot, si on veut, pendant les tirs de barrage. Donc, la décision était prise que si ça allait en tirs de barrage, on changeait de gardien. Moi, je trouve que c'est un non-sens totalement. Parce que, de un, ça ne démontre pas nécessairement à ton équipe que tu veux gagner. Parce que, bon, c'est bien beau de dire, OK, on va mettre le meilleur... pour les tirs de barrage devant le filet, mais je veux dire, le gars qui est là vient de faire 88 minutes, puis il a pas accordé de but, il a suffisamment bien gardé les buts pour que tu le laisses devant tout le long du match, puis là, à la fin, il rentre comme ça, sans échauffement, sans avoir vu aucun tir arriver, le gardien, et on sait qu'au soccer, je m'excuse, là, mais... Contrairement au hockey, au soccer, c'est le joueur qui a l'avantage. Il faut que soit que tu manques ton shot ou que le gardien soit vraiment, vraiment chanceux pour arrêter ou le ballon. Ou qu'il ait une très bonne lecture, qu'il ait reçu les indices. Oui, mais justement, c'est ça. C'est la lecture, c'est le fait que le joueur il a laissé des indices. Ouais, puis à ce niveau-là, c'est rare. Exactement. On est plus de 14. T'es pas supposé, là. Donc, voyez-vous, on va écouter ce que Vincent va dire tantôt. Mais tout d'abord, on va aller écouter les commentaires de l'entraîneur-chef Pierre Clermont. J'ai demandé à Pierre Clermont justement s'il avait été nerveux de voir les chances de marquer du VAR contre les Patriotes. On va écouter ce qu'il va nous dire sur le sujet. Les poteaux, c'était des tirs, bon, oui, mais je pense ces tirs-là étaient moins dangereux que quand ils ont contre-attaqué. En fait, ils défendaient tellement bien qu'il fallait attaquer à beaucoup, puis on se dégarnissait un peu derrière, mais c'était... Il nous respectait beaucoup. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'on était obligé d'augmenter le nombre de joueurs pour attaquer. Et puis, naturellement, leur numéro 20, ils ont fait très mal. Le numéro 20 était vraiment très, très bon là, pour eux autres. Dans ma tête, il aurait dû marquer un but. Là. Bravo Ibrahima Kidjera, qui est une recrue, a réussi à en sauver deux. Notre gardien en a sauvé un en première demi aussi. Fait que le travail derrière se faisait très bien. Ils nous ont compliqué la tâche vraiment. Là. Ils ont joué un gros match. Moi, je rends hommage à Sherbrooke parce que comparativement au match qu'on avait joué chez eux, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, le match était vraiment difficile. On avait le ballon plus souvent qu'eux autres. En première demi, encore plus. En deuxième, ils nous ont contre-attaqué tout le temps. Ils ont bien joué à contre-attaque. Ils ont joué avec ce qu'ils avaient. Nous autres, on essayait de jouer avec nos milieux de terrain. Eux autres, il n'y en avait pas de milieu de terrain. Le ballon passait par-dessus tout le temps. Fait qu'ils ont joué avec leur qualité, puis ils auraient pu réussir. Une chance, notre gardien nous garde en vie sur les pénalties. Puis Vincent fait un arrêt exceptionnel là-dessus, là, parce que arrêter un penalty déjà, c'est un exploit au soccer. On est content. Comme je disais au gars à la fin, c'est pas comment, c'est combien. On aurait aimé ça mieux jouer, on aurait aimé ça offrir un match plus attrayant là, en termes d'action offensive, mais ils ont fermé le jeu. Donc, je pense que Pierre Clermont a bien résumé là, un peu l'histoire du match au complet. Et on devra, là, du côté des Patriotes, ou du moins l'équipe qu'on va affronter, parce que là, les résultats sont pas entièrement sortis là, sur le site des Sports étudiants du Québec. On devra vraiment trouver un moyen, parce que si, mettons, on affronte McGill... On affronte McGill. Officiellement? Oui, okay. Qui ont battu Concordia hier. OK, bon, t'as pogné ça où, toi? J'ai pogné ça par un joueur qui m'a dit ça hier. OK, si tu le dis, là, parce que... Vedran. C'est Vedran, OK, parce que je suis pas sûr, moi, que c'était terminé hier, puis à Clermont, ça ne savait pas encore. Donc, on verra, là, on va vous revenir là-dessus de vendredi, 5 à 1, de toute façon. Victoire contre Concordia. Bon, ben, c'est correct, d'abord. Alors, McGill... Donne-lui un petit coup. Ce que je veux. donc, on devrait du côté des Patriotes, ou du moins du côté de McGill, si on a vu comment les Patriotes ont joué contre un système de jeu fermé comme ça, on devrait peut-être effectuer le même type de façon de faire du côté de McGill si on veut l'emporter, parce que ça a été un petit peu difficile hier du côté des Pats. Alors, écoutez les commentaires du gardien de but, Vincent Guécoté. Je lui ai demandé comment il avait géré la pression dans cette fusillade. J'ai dit tout de suite au gars que personne ne me parle. Je reste dans mon coin, je fais mes affaires, je rentre dans ma zone. J'ai ma petite routine avant chaque tir. Je regarde les joueurs dans les yeux pour les stresser. Tout ça, puis ça fonctionnait encore. Donc, vraiment, j'ai quand même un bon taux de réussite là-dedans. Fait que j'aime mieux aller tout de suite en tir pénalité que d'aller en prolongation. J'aime ça, il y a un bon stress, puis la foule était là en plus. Fait que ça aide beaucoup les joueurs tout au long. Là. Vincent qui parle de foule, en effet, ouais. Il y avait une bonne petite foule hier quand les même. Les joueurs de hockey, assez comiques. Les joueurs de hockey, c'est drôle, là, parce qu'on est habitué, les joueurs de hockey vont au game de soccer. Il y avait aussi le club de natation qui était là, mais c'est drôle parce qu'on réutilise les mêmes instruments de musique, peu importe qui va encourager qui. Bon. Et c'était de voir les gars de soccer hier, les gars de hockey, plutôt, ça a donné à cœur joie sur certains joueurs de Sherbrooke. Là. C'est correct. Ce qui pourrait lancer un certain niveau d'appartenance envers les Patriotes. Une tradition, entre eux autres. Justement amener là, à titre de locomotive d'autres partisans. C'est bon, j'aime ça. Oui, moi tout, aime ça. Le prochain match des Patriotes, c'est dimanche prochain probablement. On vous tient au courant là, dans l'émission de vendredi sur exactement l'heure et l'endroit que ça va se dérouler. Du côté féminin, les Patriotes féminines ont subi une défaite crève-cœur hier par la marque de 4-2. Des commentaires des filles que j'ai reçus, une performance au niveau de l'arbitrage pathétique. Très mauvais. On a donné 3 pénalités dans ce match-là. Les filles s'en sont données à cœur joie. Et après, les filles étaient assises dans les estrades. Et je peux te dire qu'il t'en guirlandait l'arbitre assez pas mal. Beaucoup de frustration du côté des filles qui étaient totalement détruites. Parce qu'on aurait pu très bien pu remporter ce match-là qui s'est terminé 4-2 en faveur de Laval. Les buteuses là, du côté des Patriotes, c'est Audrey-Anne Garceau et Marie-Michel Lapointe. La défaite va à l'affiche de Stéphanie Rousseau. Qui a accordé les 4 buts, là, mais là-dedans, comme je dis, 2 buts là, en pénalité. Donc, ça n'a pas été très facile pour elle. On va aller écouter les commentaires de l'entraîneur Justin Tapsoba, là, donc, suite à cette défaite crève-cœur. Il y a des choses qu'on n'a pas pu contrôler dans le match, mais dans certaines décisions qu'on conteste, mais ça fait partie, c'est le soccer, on en est conscient, et puis ça fait partie de la game, donc... Je pense qu'on méritait un autre sort que celui-là. Mais c'est autre chose qui s'est passé, donc on est quand même un petit peu déçus. Quand même content de l'effort de tes filles? Oh oui, quand je regarde, c'est quasiment le même groupe qu'on avait à l'automne. Et puis on est vraiment fiers de ce qu'elles ont réalisé cet hiver. On a beaucoup travaillé, puis on voit le résultat. Le classement, quand même, on réussit à bien se placer, donc... C'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu déçu, mais on est quand même content de tout ce qui a été fait durant l'hiver. Pour l'an prochain, la progression, on veut que ça continue comment là, du côté de l'équipe féminine? On aura des recrues de poids qui vont arriver, dont Annick Maltais, qui a eu à jouer avec l'équipe nationale. Et puis d'autres filles avec cette année, sur qui on a vraiment travaillé dans le recrutement pour pouvoir les attirer l'année prochaine. Donc les filles qui étaient là, il y avait quand même beaucoup des recrues qui ont dû prendre leur place. Qui ont eu un peu plus de temps pour prendre leur place. Et puis l'année prochaine, avec ces recrues qui vont arriver, ben on va être en mesure d'offrir un groupe encore plus compétitif et puis d'élever aussi nos objectifs à l'automne prochain. Je pense que les filles peuvent quand même être contentes, satisfaites un peu de leur saison. On a vu, comme Justin disait, une grande progression qui nous a fait passer de l'avant-dernier rang au cinquième rang et même on a frôlé le quatrième rang là, du côté des filles. Puis là, on parlait d'acquisition, mais Annick Matet en parlait, Philippe, là, c'est une excellente acquisition. Là, ouais. Quand t'as entendu le nom, t'avais l'air plutôt heureux, là, donc qui a participé à l'équipe nationale. Exactement, c'est bon. De U17 et U20 aussi, je pense. Okay. Bref, U17, je suis persuadé. Pour l'autre, il faudrait que je vérifie. Donc, mais quand même, une excellente joueuse de Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Donc, ça a donc bien fait mal quand ça a sorti, cette phrase-là. Toi, ça? Ouais, j'ai manqué des mots. C'est des choses qui arrivent. Souvent, je vais m'en acheter, puis je vous reviens. Souvent, moi, quand ça m'arrive, j'en passe juste pas, puis je laisse ça s'effacer au lieu de revenir là-dessus. Non, moi, j'aime ça, mettre le bobo sous mes erreurs. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre une gorgée d'eau, salut! OK, donc, c'est ça pour les filles, c'est ce qui conclut leur saison. Donc, on va espérer pour eux là, qu'ils reviennent en force pour la saison d'automne. Cet automne, c'est niaiseux à dire, là, mais la saison suivante. On va aller en musique, on va aller écouter du Vanesse Pariétaire avec la chanson Archipel et au retour, on continue à parler un peu de sport universitaire, j'ai quelques petites nouvelles à rafale. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Vous êtes de retour à l'écoute de parti. J'ai skippé à toune. Je faisais des tests sur un autre CD. J'ai réussi à skipper à toune. Tu peux bien parler de moi qui fais des erreurs. Hey, ben, je suis désolé, Chinatown. Pas Chinatown, mais Vanesse Pariétaire. Je travaillais sur le CD de Chinatown, alors j'ai skippé la toune de Vanesse Pariétaire. Archipel, dommage, mais je l'adore, cette chanson-là. Mes sympathies à tous ceux qui écoutaient cette chanson-là avec un air d'entrain, une petite tête qui se baladait là, avec des petits coups. J'ai scrappé le moment. OK, c'est beau, merci. Laissez-moi revenir un petit peu. OK, donc on va changer de sujet. Je vais reprendre mon sérieux. On va maintenant parler de hockey. Phil, s'il te plaît, arrête de rire, là. On va parler de hockey. Messieurs, c'était la Coupe Queen's qui se déroulait cette fin de semaine là, du côté de London, en Ontario. Les Mustangs de Western qui recevaient les Redmonds de McGill dans un match qui allait décider du champion de la conférence des sports universitaires de l'Ontario. Et les Redmonds de McGill n'ont fait qu'une bouchée vraiment là des Mustangs. C'est une victoire de 6-2 de la part des Redmonds. Donc, avec cette victoire de 6-2, on peut se dire qu'au moins les Patriots ont réussi ici à quand même bien paraître là, contre l'Université montréalaise. 35-23 les tirs dans ce match-là. Donc, du côté de McGill, on a quand même pris l'avance 3-0 avant que Swift, du côté de Western, en deuxième période, mette la marque 3-1. De toute façon, par contre, McGill a fait 4-1, 4-2 et ensuite 5-2 et 6-2 là avec un but avec un filet désert de la part de Marc-André Dorion qui donne la victoire officiellement aux Redmonds. qui fait que les Redmen bon, vont être bien classés là, du côté du championnat national. On peut s'attendre à ce qu'ils soient classés. Soit probablement deuxième, parce qu'il occupait le deuxième rang là, du côté de, du classement canadien, pour ce que ça vaut, là, ce classement-là, là, honnêtement. Donc, il devrait être classé probablement deuxième et pas se retrouver dans le même pool que UNB, qui sont assez solides. Merci du côté du côté du Nouveau-Brunswick, du côté de Fredericton, eux qui seront les autres de ce tournoi. Western aussi, par contre, obtient son laissez-passer aussi pour le championnat national, eux qui, dans le fond, c'était les champions de la division S et West qui accédaient à ce tournoi pour l'Ontario. Pour les équipes de la conférence du Canada-Est, Canada-Ouest plutôt, on va avoir deux représentants, ce qui fait quatre équipes, et deux représentants du côté de l'Atlantique. Aussi, vu qu'il y a l'équipe haute qui est là-dedans. C'est ça. Une autre nouvelle, ben, du côté féminin, on n'en parle jamais, donc je vais en parler. Les Martlets de McGill, donc l'équipe féminine qui, eux, ont gagné le championnat national. Ils ont battu les X-Women de St. Francis Xavier 5-2 hier soir. C'est un troisième titre national pour les Martlets. Et assez spectaculaire comme fiche cette année. 33 victoires, aucune défaite. C'est une domination complète, en fait, là, du côté de McGill au niveau du hockey universitaire. Donc, félicitations à eux autres. 33 victoires, aucune défaite, je veux dire... Non, c'est... Mais tu te souviens quand on est allé... la première fois qu'on a animé le match entre les Patriotes et l'université sur, sur les ondes, là, sur les internets. On a vu la pratique des filles juste avant. Et déjà, en pratique, je l'ai trouvé impressionnante. Oh, wow. C'est ça. C'était vraiment, bien coaché aussi. C'est pas des n'importe qui jouent à McGill. C'est Charline Labonté qui est dans les filets. Puis avant, c'était Kim Saint-Pierre. Puis, tu sais, on a une tradition gagnante du côté, vraiment une tradition d'excellence du côté de l'équipe féminine des Martlets de McGill. Et finalement, une dernière nouvelle, on va parler de... Tantôt, on va parler de basketball collégial américain. Mais là, je vous parle de la CIS. C'est l'Université des Ravens de Carleton qui ont battu l'Université Trinity Western pour remporter le championnat le championnat national là, du côté des Ravens. C'est une septième victoire dans les neuf dernières années pour les Ravens, qui ont le programme clairement le plus dominant au Canada et depuis longtemps. C'est une victoire de 82-59 là, sur Trinity Western. Donc, même pas proche, même pas serré. Donner ça aux Ravens tout de suite, c'est pas plus compliqué que ça. Et le tournoi se tenait à Halifax. Et content pour les Ravens. C'est de quoi qu'on suit pas beaucoup là, le basketball ici, là, du côté de Trois-Rivières, parce qu'il n'y a pas d'équipe nécessairement. Donc, bravo, il n'y avait pas d'équipe là, du Québec qui était en finale là, de ce tournoi, bien sûr. Ça va une pause. Au retour... de musique et on parle avec Jonathan Roberge de l'Hebdo de Saint-Maurice. On va parler du hockey junior majeur. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Très C'est fou dans vos oreilles. 89-1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, les Cataractes étaient de passage au Colisée Pepsi hier pour affronter les Remparts. Même s'ils ont concédé les deux premiers buts, les Remparts sont revenus en force pour l'emporter 4-3 et ainsi priver Shawinigan d'un quatrième gain consécutif. Au Cap-Breton, maintenant, les Sea Dogs n'ont pu pas sur le frein hier en emportant 4-1 sur le Screaming Eagle. Dans la victoire, Jonathan Huberdeau a inscrit son 41e but pour atteindre le plateau des 100 points cette saison. À Montréal, maintenant, c'est toute une raclée que le junior a donnée aux Drakkars de Bécomo qui ont subi la défaite par un pointage de 7-0. Le Drakkar n'a dirigé que 13 lancés sur Jean-François Bérubé qui a enregistré son troisième blanchissage de la saison. Au hockey de la Ligue nationale, maintenant, c'est une huitième victoire de suite pour les Capitals qui l'emportent 4-3 sur les Blackhawks de Chicago hier après-midi. La partie s'est terminée en prolongation et c'est Mike Knoebel qui a fermé les livres en inscrivant son 16e de la saison. De leur côté, les Sabres de Buffalo l'emportent 6-4 face aux Sénateurs d'Ottawa. Cette victoire a permis aux Sabres d'atteindre le 7e rang dans l'Est à égalité avec les Rangers de New York. Toujours dans la Ligue nationale, c'est cette semaine que les DG pourront débattre sur le sujet des commotions cérébrales lors de la réunion annuelle qui se déroulera de lundi à mercredi en Floride. COVID. L'association des joueurs n'est pas invitée à cette réunion. Au tennis maintenant, le Canadien Milos Raonic continue sur le bon chemin hier au tournoi d'Indian Wells. Raonic a battu l'Américain Marty Fish en deux manches de 7-5 et 6-4 pour passer au troisième tour du premier Master de la saison. Et finalement, au sport universitaire, vos Patriots Soccer étaient en action hier au Centre Alphonse Desjardins. Malgré deux buts de Marie-Michel Lapointe et d'Audrey-Anne Garceau, les filles n'ont pas été aptes à signer la victoire sur Laval qui l'ont remporté 4-2. Meilleur sort du côté des hommes qui affrontaient Sherbrooke. On a dû se rendre en fusillade pour voir Vincent Guécoté effectuer un magnifique arrêt pour donner la victoire aux siens. La prochaine partie des Patriots sera dimanche prochain contre McGill qui l'ont remporté 5-1 hier contre Concordia. Le match opposant l'UQTR à McGill se déroulera au Centre Alphonse Desjardins. Voilà, c'était vos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook.

tu te dois de connaître Bob Dylan. T'as jamais écouté un film où cette tune-là jouait? Ouais, elle doit jouer dans 720 films en plus. C'est pas grave. Mais je trouvais bonne, puis je vais même tenter de la prendre musicalement. Écoute, je te suggère fortement le disque des best-of de Bob Dylan. Ouais, ouais, il y a du bon stock. C'est d'ailleurs ce qu'il joue dans Feu ma voiture. Ben, en tout cas, ben, ça joue encore, Marc, là, mais c'est juste la voiture qui avance. Elle a brûlé. Feu ma voiture. Ouais, ouais, non, c'est correct. Elle explique la pente. OK. On va maintenant parler de hockey à Mauricie. On va, Jonathan Roberge, ça va aller un petit peu plus tard, là. Désolé, mesdames, messieurs. On va tout d'abord parler des Dragons du Collège de la Flèche. Au hockey à Mauricie. Bon, on sait tout d'abord, les Estacades ne sont plus en action. Ils ont été éliminés. C'était jeudi dernier. Si je me trompe pas, là, du côté de l'aréna. Du côté de l'aréna, du centre sportif Alphonse Desjardins, centre sportif que j'étais hier et qui, je dois dire, est magnifique. Ah oui. Donc, allons-y avec les Dragons. Ils étaient en action, ils disputaient deux matchs cette fin de semaine. Tout d'abord, le premier match, c'est une victoire. Ben, on a eu une fiche parfaite cette fin de semaine, là, du côté des Dragons. Tout d'abord, on affrontait le Cégep Lionel-Groulx et c'est une victoire de 5-3 là, du côté des Dragons du Collège de la Flèche. Les buts là, pour la Flèche, c'est Jean-Philippe Leduc. C'est deux fois Jean-Philippe Leduc, François Garceau, et en troisième période, Michael Lapointe et ben, Jean-Philippe Leduc encore en désavantage numérique. Trois buts là pour Jean-Philippe Leduc, là, j'avais mal à regarder mon sommaire. C'est son 27e cette année, trois dans le même match. On s'entend que c'est bon pour ta fiche hein, quand même. Quelque chose de très bien. Et donc avec cette victoire-là, ben ça l'aide au classement. Et on disputait un deuxième match et je vous sors ça là, rapidement. Là, malheureusement, on n'a pas cru bon là, du côté de la Ligue de mettre ses stats à jour. Tu sais, encore une fois, là, mais... Critique que tu mais si tu cherches le classement, il reste au troisième rang. Si c'est ça que tu cherches. Oui, ils sont au troisième rang. Tu dois avoir ça pas loin, le pointage en fin de semaine? OK, le pointage en fin de semaine. Sinon, je te donne ça dans les deux, trois prochaines secondes. 5-2. 5-3 et 5-2, là. Ça peut, là. J'ai les premiers chiffres que j'ai vus. Je vais finir de lire l'article. Ah, c'est beau, je l'ai. Donc, une victoire de 5-2 du côté des Dragons du Collège de la Flèche contre le Cégep André Laurando. Tout d'abord, Joey Picard, en première période, fait son 13e de la saison. C'est suivi en deuxième période. Bon, ben, André Laurando va réussir à égaler la marque 1-1. Donc, c'est en troisième période que ça s'est vraiment joué. C'est Jeff André Laurando qui commence la période avec un but à 49 secondes. C'est 2-1. Et voici les Dragons qui se mettent à cracher du feu. Gabriel Fleurant. Sur l'auto de Philippe. Sur l'auto de Philippe. Hey, vous êtes pourris dans vos jeux de mots un matin. Gabriel Fleurant, son 4e de la saison en 2018. 3 minutes plus tard, c'est Mathieu Nolin, son 10e. Et 3 fois de fil, Mathieu Nolin, là, à 15-58 et 17-26. Donc, un taux du chapeau naturel, écologique, biologique, vraiment. Biodégradable. C'est-à-dire, c'est comme les petits sacs biodégradables à cette heure, là, tu l'utilises une fois, puis il est en train de casser déjà. Ouais. C'est à l'utilisation, il se biodégrade. Ouais, c'est ça. Ben, souvent, il se biodégrade sur tes pommes et tes oranges aussi. Oui. Taux de chapeau naturel là, du côté de Mathieu Nolin, c'est ce qui donne la victoire 5-2 au Dragon du Collège de la Flèche, qui, comme tu disais, Marc-Antoine, conserve leur 3e rang là, au classement. Je vais essayer de sortir les statistiques. Oui, du côté du classement, La Flèche au 3e rang avec 42 points. Cégep Champlain-Saint-Laurent avec 47 points en deuxième position. Ils vont être très difficiles à rattraper là, parce qu'il reste pas beaucoup de matchs là, à la saison. Et ça va être assis toujours premier. On a un match en main là, du côté de La Flèche, mais même avec une victoire, ça nous donnerait 44 points. On est à 3 points Saint-Laurent, c'est Lyon. J'avais un blanc tout d'un coup. Et là, c'est ça, il reste à peu près un ou deux matchs à la saison. Je crois qu'on fait une saison de 5 points. On saute à 5 points, donc il reste environ, si je me trompe pas, là, c'est une saison de 35 matchs. Il reste deux parties contre Harrington et Saint-Laurent. Exactement. Saint-Laurent, donc c'est une saison de 35 matchs. Donc, je pense pas qu'on va pouvoir rattraper. Là, mathématiquement, on peut pas. Donc, logiquement, on pourra pas tout simplement. Je faisais les calculs dans ma tête. Je me suis dit, s'il reste deux matchs, c'est 4 points. On est à 5 points. Ça peut pas vraiment se faire. Et en arrière deux, ben, Saint-Laurent, c'est une victoire quand même importante, là, effectivement, parce que Saint-Laurent, avec ses 38 points, a maintenant 4 points de retard sur la Flèche. Donc, eux aussi, ça risque d'être difficile. Ça prendrait une fiche parfaite du côté de Saint-Laurent et la Flèche qui perd tous leurs matchs. Même à ça, je sais pas au niveau pour démarquer, là, comment ça fonctionne. Donc, c'est ce qui termine pour les Dragons. Du côté du Carouin-Gay, eh bien, on a encore subi les foudres du Marquis de Saguenay, malgré le faible rang au classement. Le Carouin-Gay qui était incapable de l'emporter contre le Marquis cette année, c'est très difficile. Le Carouin-Gay a conclu sa saison vendredi soir à son domicile en goûtant une fois de plus à la médecine du Marquis. La formation la plus éloignée du circuit aura eu le numéro de la formation trifluvienne tout au long de la campagne. Cette fois, les visiteurs se sont sauvés avec une victoire au compte de 5-4 devant 1035 spectateurs. Donc, c'est les séries éliminatoires qui s'en viennent du côté du Carouin-Gay. Et, bon, moment plutôt cocasse, messieurs, je vous explique ce qui s'est passé. Du côté de la Ligue nord-américaine, Sherbrooke avait la chance de rattraper le Carouin-Gay pour se faire. Bon, ils devaient remporter leur match de la fin de semaine. Mais le Saint-François a perdu par défaut. Ou comme dirait Homer Simpson, les deux plus beaux mots de la langue française, défaut. On a aligné un joueur du côté du Saint-François qui était suspendu. Donc, on perd par défaut. Comment tu peux faire cette... Ça, c'est comme à Chicago, là, le directeur général qui n'avait pas donné de... Il avait oublié d'envoyer son fax. Donc, avec cette défaite-là, ben, le Saint-François termine à 47 points, tout comme l'isothermique de Thetford Mines. Et le Carouin-Gay, 48 points, ben, s'assure du deuxième rang et non pas du troisième rang. Donc, ça change les choses pour les séries. Pas de félicitations à faire et du côté du Saint-François. Les séries éliminatoires vont s'entamer, c'est vendredi le 18 mars, donc vendredi qui s'en vient, dès 20h, au Colisée de Trois-Rivières. Vraiment, comme tu dis, c'est de quoi que réveille, là. Tu te plantes de même en faisant ton alignement, là. Tout le monde a dormi au gaz, là. Le coach, les joueurs, puis le directeur général, qui doit être à la fois joueur et coach. Mais, non. Critique ici, là. Je me tape moi-même sur les mains. Mais, non. En fait, en même temps, le joueur, je veux dire, tu le sais quand t'es suspendu, là. Ouais. Tu joues deux fois par semaine, là. Tu dois être au courant de savoir quand est-ce que tu joues, quand est-ce que tu joues. En tout cas, c'est bon. Donc, c'est ce qui conclut pour le Carouin-Gay et c'est ce qui conclut aussi pour le hockey à Mauricie. On va maintenant aller en musique. On va aller écouter. Qu'est-ce que vous diriez d'écouter un peu les Incendiaires avec la chanson Amant d'immeuble? Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. dans vos oreilles. 89. Bonjour, je suis Michel Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Il est presque 10h et on va maintenant parler de hockey junior majeur de la ligue de hockey junior majeur du Québec, les Cataractes de Shawinigan. Il se joint à nous de Shawinigan. Monsieur Roberge, Jonathan, ça va bien? Salut Nicolas. Ça va bien? Très bien, toi-même. Ben oui. Jonathan qui était à l'hebdo du Saint-Maurice. Et Joe, on avait une bonne fin de semaine là, du côté des Cataractes. 3 matchs en 4 soirs. Jeudi, bien sûr, mais samedi et dimanche contre les Tigres et les Remparts, respectivement. Et probablement pas tout à fait. On a une victoire contre les Tigres, une fiche de 500 pour la fin de semaine. Ouais, ben dans les circonstances, c'est correct. Toutefois, Éric Veilleux, qui était un peu déçu là de l'effort de sa troupe hier, sans dire l'effort, mais le résultat, parce que bon, c'était 2 matchs en 2 soirs, c'était vraiment le test par excellence en vue des séries éliminatoires, de jouer 2 bonnes équipes en l'espace de 24 heures. Donc, 2 matchs en 2 soirs, c'est ce que les Cataractes devront vivre, comme toutes les autres équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, durant les séries éliminatoires. Et puis, le test n'a pas été concluant du tout, là, hier à Québec, là, selon Éric Veilleux, 6 ou même 7 attaquants, pas de jambes durant l'ensemble du match. C'était laborieux, et encore hier, là, on l'a vu, c'est le premier trio qui a généré l'attaque, celui de Zacharis, Cazavant et Labrec. Et si c'était pas d'eux, hier, le pointage aurait pu être bien différent, mais surtout si c'était pas de Gabriel Girard, qui, encore une fois, a été très solide contre les Remparts. C'est de quoi qui semble récurrent là, ces temps-ci du côté des Cataractes? Seulement un trio, on dirait qu'on pousse jamais tout le monde en même temps sur le même but? Ben écoute, c'est le constat que j'en fais aussi. Ouais. Éric Veilleux lui soutient là que malgré tout, bon, à l'exception du match d'hier, mais contre Victoriaville et contre Rouyn-Noranda, qu'il y a quand même d'autres trios qui ont obtenu de bonnes chances de marquer. On pense entre autres à celui de Zlobin, à celui de Poudrier. Mais reste quand même là qu'il y en a juste un qui a réussi à faire allumer la lumière rouge, c'est celui de Zacharis. Alors à ce moment-là, on doit se poser la question si jamais ce trio-là tombe en panne. Est-ce que quelqu'un va se relever, prendre le relais? Lui, chose certaine, Éric Veilleux a vraiment hâte là, de voir Michael Bournival de retour sur patin parce que il va apporter plus de profondeur et finalement là, un peu plus de punch à l'attaque. Bournival, c'est juste rappelé, c'était une blessure à quoi, Bournival, déjà? Blessure au bas du corps. Au bas du corps, oui, c'est vrai. Il devrait revenir bientôt. Là, de son côté, lui, espère être en mesure d'endosser l'uniforme en fin de semaine, soit contre Rouyn-Noranda ou contre Val-d'Or. Éric Veilleux, lui, semble un peu plus sceptique là, de l'insérer dans l'alignement. C'est simple, on veut simplement s'assurer qu'il soit de retour à 100% de ses capacités, pas prendre de chance avec ça, quitte à attendre au premier match des séries éliminatoires. Ouais, parce que là, du côté du classement, on n'est pas... on est toujours en lutte là avec le Weston, si je ne me trompe pas, pour savoir qui va obtenir le 7e et le... Oui, ben Lewiston est un point sous les Cataractes. Batters qui est pas tellement haut à 4 points d'écart là avant le match de hier. Donc le classement qui est très serré actuellement, les Cataractes qui pourraient affronter ou les Wildcats de Moncton ou les Tigres de Victoriaville en première ronde. Tout dépendant de qu'est-ce que les Maniacs vont donner, parce que là, ça va vraiment pas bien. Il y a plusieurs sources qui m'ont confirmé que la zizanie est prise dans le vestiaire des Maniacs de Lewiston et ça se reflète sur leur performance dernièrement. Alors 12 derniers matchs, ils ont 8 défaites. Sur les 4 victoires, il y en a une en prolongation et une en fusillade. Alors, il n'y a vraiment rien là, de concret actuellement chez les Maniacs. Ça va pas bien. Il y a des joueurs qui en seraient même venus au coup dernièrement. Alors, eux continuent de chuter au classement. Ça va vraiment mal à Lewiston. Alors, ça va influencer là, par le fait même le classement des Cataractes. Tu parlais des Tigres de Victoriaville. Est-ce qu'un affrontement contre les Tigres, ça te fait peur un peu? C'est-tu une équipe un peu sous-estimée qui peut surprendre une type d'équipe sur Andrion un petit peu, là, les Tigres? Ben, en série éliminatoire, tout peut arriver. Ouais. Toutefois, je pense que les Cataractes ont prouvé qu'ils ont la recette pour battre les Tigres. 4 affrontements cette année, 4 victoires pour les Cataractes. Alors, bien hâte de voir. Personnellement, je serais très à l'aise de voir les Cataractes affronter les Tigres et même affronter les Remparts, bien que les Cats aient perdu le match hier. Ils ont quand même été dans le coup jusqu'à la toute fin. Et ce qui m'inquiète le plus du côté des Remparts, c'est Louis Domingue, encore une fois. Ouais, deux beaux ballons de plage hier. Et puis Louis Domingue, là, vraiment, ouf, sérieusement, c'est de mauvais souvenirs. Là. Ça m'a fait penser à Timo Pellmeyer, là, qui était chancelant il y a quelques années. C'est sans doute le problème des Remparts actuellement. Là, s'ils subissent une élimination rapide, on peut déjà parier un petit 2 que ça va jouer dans les buts. Jonathan, as-tu entendu parler un petit peu du côté de Gabriel Girard? Gabriel est 5 pieds 10 environ, c'est pas un très grand gardien. Est-ce qu'il y a des équipes professionnelles qui pourraient l'approcher? Bon, il a 19 ans, il est encore disponible pour le repêchage. Ou dans le cas de Gabriel, si on veut faire les professionnels, il va falloir y aller par la porte d'en arrière? Ben, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit repêché à 19 ans. Les équipes préfèrent miser sur les plus jeunes qui sont à leur première année d'éligibilité. Toutefois, ça veut pas dire que la porte est complètement fermée pour Gabriel Girard lors du repêchage, mais reste que pour lui, vraiment, là, ça va jouer plutôt sur une invitation dans un camp d'entraînement. On se souviendra, après son année de repêchage, personne ne l'avait réclamé. Le Canadien de Montréal qui lui avait fait une place à son camp d'entraînement. Est-ce que le Canadien ou une autre équipe pourrait y aller à nouveau avec ça cette année? Possiblement. Il connaît une excellente saison. C'est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue de hockey junior majeur du Québec actuellement. Alors, en connaissant un bon printemps, il n'y a pas de doute qu'une équipe pourrait être tentée de lui faire une place. Parce qu'on s'entend que là, dans la Ligue, présentement, il est un des meilleurs gardiens, là, ou du moins un des gardiens les plus stables dans ses performances. Tout à fait, autant au niveau de la moyenne que du pourcentage d'efficacité. On va être réaliste. Alex Dubois a présentement de meilleures statistiques que lui. Toutefois, Alex Dubois a beaucoup moins de départs et a affronté des équipes beaucoup moins dangereuses là, que Gabriel Girard. C'est l'homme masqué de confiance actuellement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Encore hier, Patrick Roy qui avait de très, très bons mots à dire sur Gabriel Girard. À chaque fois que les deux équipes s'affrontent, Roy ne tarit pas d'éloges contre Girard. Et vraiment, là, il a disputé tout un match hier. Et ouais, il aimerait peut-être, du côté de Rouen, il aimerait peut-être avoir de Girard dans les filets, non pas Domingue. Ah, ça rentre. Il dira pas fort, là, Patrick Roy, là, mais peut-être qu'il pense. En terminant, il est peut-être tôt pour en parler un petit peu, Jonathan, mais est-ce que tu crois que les Cataractes, parce que là, tu parlais d'un affrontement contre les Remparts, donc contre les Remparts, on est au moins minimum en deuxième ronde. Est-ce qu'on a des chances de jouer un peu de hockey en sandales, là, du côté des Cataractes? Écoutez, c'est tôt pour en parler. Tout va dépendre de qui va affronter qui au premier tour. Chose certaine, que ce soit Victo ou que ce soit Moncton en première ronde, je pense pas qu'il y ait de véritables problèmes pour les Cataractes. Ça peut être une série un peu plus dangereuse si c'est Moncton, parce que ce sera une série 2-3-2 fort probablement. Alors là, si tu perds un match à la maison, tu tombes dans le pétrin là, en te présentant là-bas avec une égalité de 1-1. Mais reste que je pense que les Cataractes sont en mesure de battre ces deux équipes-là au premier tour. Par la suite, deuxième ronde, tout dépendra là, du classement final et de qui bat qui. Mais théoriquement, là, ce sera un affrontement contre les Remparts ou contre le Junior de Montréal. Alors à ce moment-là, ça va être hockey excitant, ça c'est sûr et certain. Ce qui serait plaisant pour les Shawinigannais, ça serait une série contre les Tigres. Et après ça, comme tu disais, Junior, Montréal ou Québec, donc des endroits qui sont plutôt rapprochés, on va pouvoir se déplacer là, du côté du fan club des Cataractes. Ah, c'est bon pour les assistantes, autant d'un côté comme de l'autre. Là, les partisans des Tigres là, font généralement le voyage à Shawinigan lorsque les deux équipes s'affrontent. Alors, c'est certain qu'au niveau de la billetterie, ça ferait une excellente série là, d'affronter les Tigres de Victoriaville au premier tour. Toutefois, au niveau de l'aspect hockey, peut-être que c'est justement parce qu'on en fait un écœurant titre de voir les Tigres là, en série éliminatoire, troisième année de suite cette année. Mais reste que, personnellement, là, je préférais voir les deux équipes affronter finalement quelqu'un d'autre là, chez les Cataractes, Moncton, et puis chez les Tigres actuellement, ce serait le Weston. Ben c'est bon, merci beaucoup Jonathan. Avec grand plaisir. Passe une belle journée, bonne semaine même. On va te souhaiter une bonne semaine au complet là. Ah merci. Salut. Salut Jonathan. C'était Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. Vous pouvez lire ses textes sur hebdo.du-saint-maurice.com, hein, comme on dit, comme ça se dit, comme ça s'appelle, comme ça se fait. Pour résumer là un petit peu là au niveau du classement là présentement du côté, pas du classement mais des matchs de la fin de semaine, on en a parlé. Donc victoire de 5-2 de la part des Cataractes contre les Tigres samedi, 47-28 les Tigres dans ce match-là. Donc le gardien David Hanzik a été mis à l'épreuve du côté de Victoriaville. Les buts là du côté de Shawinigan, Labrec, Sakaris, Cazaval et Poudrier, Labrec deux fois bien sûr, les étoiles Sakaris, Cazaval et Philippe Meillet du côté de Victoriaville qui a récolté un but. Et le lendemain, dimanche, bon, ben, du côté de Québec, c'est une défaite de 4 à 3 quand même. Le pointage serré ne reflète pas tout. 46-27 les tirs. Là. Donc, comme on parlait, comme Jonathan parlait, des ballons de plage là, du côté de Louis-Domingue. Belle expression. Là, pareil, là, c'est le fun d'entendre ça ce matin. Les buts là, du côté des Cataractes, Sakaris, Zobin. On menait 2-0 quand même. Mais là, c'est ça. Sakaris deux fois et Zobin, alors que de l'autre côté, Mirko Hoffman, Jonathan Audi-Marchessault et Joey Dubé, deux fois l'ancien des Cataractes, qui donne la victoire au Rempart de Québec. Et on change totalement. Bon, c'est pas mal ce qui conclut là, du côté des Cataractes. Là, on est au classement. Là, je vous parlerai bien du classement. Malheureusement, le site de la Ligue de hockey junior du Québec ne semble pas vouloir l'afficher. Pas nouveau. Hey, on fait une couple de fois je parle de site internet ce matin, hein? Oui, effectivement. Puis c'est toujours les mêmes. C'est Hockey Québec fréquemment. Donc, peut-être une petite révision du webmestre à ce niveau-là. Peut-être arriver au 21e siècle, ça aiderait grandement la cause. La Ligue de hockey junior majeur du Québec est-elle fédérée? Je ne sais pas. Je crois pas. Tu me poses une question à laquelle j'ai aucun fichier dans le format. OK. Je crois pas. Je pense que c'est une ligue à part ou même titre. C'est qui ne change absolument rien au fait que ça prendrait un certain temps. Non, mais c'est parce que tu parlais de Hockey Québec. Effectivement. OK. Finalement, bon, ben, écoute, je vous dis comme ça, là, on est du côté des Cataractes. Gatineau reprend de plus en plus l'avantage dans la section ouest de la TELUS. Gatineau à 90 points, là, ça va être difficile pour les Cataractes. Ça va être impossible plutôt pour les Cataractes d'aller les rattraper. Avec 7 points de retard, il ne reste que 2 matchs à la saison des Cataractes. On est à 11 jours du début des séries éliminatoires. Et qui devrait être normalement, ça commence le vendredi, donc pas vendredi qui s'en vient, mais le suivant, si je ne me trompe pas. Et du côté, bon, on parlait de Victoriaville qui a 74 points, donc ils sont loin derrière. Mais Lewiston, eux aussi perdent du terrain à 80 points, surtout avec ce que disait Jonathan, là, si le diable est aux vaches. Là, ça va fonder, on est dans la... Dans les problèmes du côté de Lewiston. Exactement. Et je vous parlais la semaine dernière bon, que Bécomo avait encore une chance de rattraper Cap-Breton au classement. Eh bien, cette chance s'est envolée cette fin de semaine dans le match qu'on va vous parler, c'est-à-dire les Voltigeurs de Drummondville qui ont affronté le Drakkar de Bécomo. Bécomo qui se déplaçait du côté du centre Marcel Dionne. On devait remporter tous nos matchs là, si on voulait espérer obtenir, faire les séries du côté du Drakkar. Ce n'est pas le cas. Victoire le 3-1 des Voltigeurs de Drummondville. 42-23 les lancés dans cette partie. Bécomo avait quand même ouvert la marque en première période avec un but de Félix Girard, mais en deuxième période, Jean-Philippe Mathieu et Marc-Olivier Vachon ont compté. Et tout comme Andrej Palat en troisième période. Celui qui a obtenu la première étoile, bon ben Marc-Olivier Vachon, je pense que c'est un beau clin d'œil à Vachon, un but dans ce match-là, mais Vachon qui est un joueur de 20 ans et qui, dans ce match-là, a été honoré. On lui a offert une peinture de lui qui tient la Coupe du Président du côté des Voltigeurs. Ben, on le sait, Vachon en est à sa 5e année. Il est le joueur qui a joué le plus de matchs, saison et séries éliminatoires chez les Voltigeurs dans le chandail rouge. Et vraiment, là, du côté de Vachon, là, ça a été une belle carrière. Un gars avec beaucoup de leadership et pas capitaine pour rien là, dans cette équipe-là, je peux vous garantir. Et je peux aussi vous dire en primeur, si vous voulez ou si vous le voulez pas, les Patriotes l'ont plus qu'approché pour le voir, pour qu'il joigne l'équipe. On l'a même vu à un certain... Je l'ai vu à un match des Patriotes aussi, mais par contre, on m'a dit qu'il y avait des connaissances ici du côté de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a joué probablement avec... je pense qu'il a joué avec Étienne Bellevance-Martin, si je me trompe pas. Donc, c'est ça, là, du côté de Vachon. Et bon, je pense que ça serait un gars... On parlait de capitaine des Voltigeurs de Drummondville, ça sera un deuxième avec les Patriotes. Alexandre Demers, bien sûr, tu sais, c'est deux joueurs qui sont de la même trempe, là, des travaillants, des gars qui ont une bonne éthique de travail. Et je pense que ça serait très bien là du côté des Patriotes comme acquisition. Et bon, et c'est pas mal ce qui conclut là, le segment à l'Hockey Junior Majeur pour ce matin. On va aller en musique, on va aller écouter un peu de Chinatown. Et au retour, on va parler de football. Jonathan avec la chanson « Tant pis pour moi ». Et au retour, JP Grenier se joint à nous. On va discuter de la grève dans la Ligue nationale de football, la NFL. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Tu t'en vas comme ça, sur cette musique qui te va tellement bien. C'est l'amour, ce sourire détendu, à compter les étoiles quand nous serons ensemble. Amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Pourtant je te connais, mais sous tes survêtements d'intérieur, en coton comme au temps des esclaves, celui que je veux être à partir de maintenant, aujourd'hui et demain, toujours et à jamais. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Tu t'en vas comme ça, sur cette musique qui te va tellement bien. C'est l'amour, ce sourire interdit qui me hante les nuits. Nous nous serons ensemble, amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Surpeuplé, c'est l'amour, ce sourire défendu qui me cherche des poux dans le simple appareil d'une beauté sans pareil. Arraché au sommeil, tant pis pour moi. La rivière, le 16e. Oh, attention! Oh, oui. Oh. Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'inconduite de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On parle maintenant avec M. JP Grenier. Ça va bien, JP? Ça va bien, vous autres? Ben, toujours, oui. toujours. Good, good. JP, c'est oui. fait, c'est fait. On est en l'accord du côté de la Ligue nationale de football. Je pensais qu'on parlait des Jutras, là, ce matin. Non, j'avais pas prévu rien sur les Jutras. T'as qu'à moi... Je peux rappeler. Non, mais écoute, c'est moi, honnêtement, et je peux pas dire ça. Je m'en ai juste dit, c'est moins pire que la soirée des masques. Tu sais, il n'y a personne qui va au théâtre au Québec, mais tu veux ça faire un gala Radio-Canada là-dessus, c'est assez ça coche. Là, comme félicitations, genre, d'avoir eu... je pense que ça fait partie de ce qu'on doit remplir comme mandat. Comme mandat, là, du côté de la première chaîne. C'est à la radio, la première chaîne, Nicolas. C'est quoi, c'est la deuxième chaîne? Non, c'est Radio-Canada. La société radio. Ouais, mais c'est. Ok, c'est ce que j'ai rien dit. Je me garde. Ah, Philippe oui, a raison, là. Philippe mais a raison. Mais oui, Philippe a raison. Philippe a rarement tort. Ouf, en tout cas. Merci. Philippe. Oui, parce que je viens d'allumer que la radio de Radio-Canada est arrivée bien avant la télé de Radio-Canada. Donc, oui. C'est le mandat de la télé de Radio-Canada. du côté de la NFL, là, JP, tu peux-tu nous dire un peu les... Trouves-tu que c'est une bataille de d'enfants gâtés là-dessus? Ben, c'est une bataille de milliardaires contre des millionnaires, là. écoute, il y a un conflit entre les joueurs et les propriétaires. Je trouve ça tout simplement ridicule. Là. La NFL, qui est la ligue la plus en santé, selon moi, au monde, qui génère des milliards de dollars de revenus, je comprends pas pourquoi les propriétaires s'en plaignent. Écoute, le propriétaire avec le moins d'argent, c'est à peu près Art Rooney, là, le propriétaire des Steelers de Pittsburgh, qui a en banque 150 millions. Tu vas me dire que des gars comme Peyton Manning est sûrement plus riche que ce gars-là, mais c'est quand même, ils sont quand même pas pauvres. Là, si, ouais, mais c'est ça, quand même, avec 150 millions, mais comme actif, t'as les Steelers de Pittsburgh, je veux dire. Exactement. On a déjà vu plus pauvres. Plus le stade, plus qui le génère stade. Quand même des événements quasiment à l'année longue, donc... je sais pas, ça s'en va un peu nulle part, là. Des deux côtés, on revendique des affaires. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, entre autres, c'est le salaire attribué aux recrues qui arrivent. Ouais. Ça s'en vient tout simplement ridicule. Là, ah, les bonnies, ouais. C'est pas normal qu'une recrue ait un jour qu'un match fait 50 millions garantis. Ça choque un peu les vétérans, avec raison aussi, là, les vétérans qui sont là depuis plusieurs saisons dans la ligue. Ouais, le jeune arrive puis il gagne plus cher. Il y a même quelques recrues qui se sont permis là, l'an passé de ne pas aller aux initiations. Là. Ben, si je me souviens bien, Des Bryant des Cowboys de Dallas, lui, avait refusé de transporter les épaulettes, qui est une tradition de longue durée chez les Cowboys. Puis on lui a fait payer le souper des recrues là, un petit 60 000 $ c'est pas inclus, donc écoute, je pense qu'il aurait été mieux de transporter les épaules de Roy Williams. Là. Aïe, aïe. Ben, il n'y a pas mais... de aïe qui tienne. Tu veux non, pas te présenter aux initiations, au paye pour. Je veux dire, c'est quoi cette manie-là? Tu devrais faire ça à l'université. T'es à l'université, ouais, là, ouais, arrête de te prendre pour un dieu. Là. Je veux dire, t'as rien accompli encore dans la NFL, puis tu te permets de lever le nez sur des gars qui sont là depuis 12, 15, 10, 12 ans. Des gars de ligne qui vont suer... haut et sang pour toi, puis non, monsieur, il court 15 verges en 42 millièmes de seconde et il se permet de se prendre pour Dieu le Père. C'était ma chronique du chialeux pendant 3 secondes. Je trouve ça épouvantable. C'est juste ça, c'est tout. JP, on a décidé de se désaffilier là, du côté du syndicat là, de la NFL. Explique-nous un peu la stratégie là, qu'on veut adopter là-dessus. C'est que là, le syndicat des joueurs, en théorie, n'existe plus. C'est les joueurs qui sont un peu autonomes, là. Si on veut, les joueurs sont libres de signer avec quelle équipe qu'ils veulent. Ils sont comme un peu des mercenaires. Ils sont à leur propre compte. Je sais pas si les agents de joueurs ont encore un certain pouvoir, sauf que je sais que là, l'association des joueurs n'existe plus. Donc, les propriétaires sont en bataille directement avec les joueurs. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Là. Je crois que les joueurs, par contre, sont représentés par Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning. Sont comme un peu les... Mais c'est eux qui vont poursuivre la NFL. Là. Exactement. Sauf qu'en même temps, ces gars-là gagnent 25 millions par année. Je me dis, ils représentent-tu vraiment le troisième demi-coin qui, lui, gagne 600 000 par année? Je sais pas, en tout cas. Je pense que du côté de des joueurs, on y va avec... On y va avec une décision bon de mettre les visages les plus importants en avant pour donner un peu c'est de notoriété. C'est correct aussi, là. Ce serait faux d'y aller avec un joueur qui n'a aucun impact, qui n'a aucune renommée. Il n'y aurait aucun poids selon moi. Mais ce que moi je trouve le plus dommage là-dedans. Samuel Giguère, mettons. Exactement. Il n'y aurait aucun poids. Puis les joueurs gagneront jamais de cette façon-là. Sauf que moi, ce que je trouve dommage, c'est pour les joueurs de deuxième, première année, qui, eux, perdent un temps énorme sur leur développement là, présentement. Je pense à des gars comme Mark Sanchez avec les Jets qui perdent un temps énorme sur son potentiel. Là, on perd des années. Puis les joueurs sont un peu frustrés là, qu'on veuille leur imposer une saison de 18 matchs. C'est surtout ça le plus gros point qui est à retenir du dernier mois dans les discussions. On veut pas 18 matchs un peu comme dans les Canadiennes qu'on fait. Je comprends les joueurs. En même temps, je comprends les propriétaires de vouloir faire plus d'argent. Moi, mon point de vue, ça se situe que je laisserais ça à 16 matchs. Ça a tout le temps été ça ou presque depuis maintenant 30 ans. Donc, pourquoi changer ça à 18? Les blessures, les joueurs vont peut-être se donner moins. Saison, c'est assez dur sur le corps déjà, plus les pratiques. Donc, pourquoi allonger la saison? Là? Pourquoi? faire 2-3 millions de plus en revenus par match. Puis ça mélange, c'est ridicule. Ça mélange tous les records, toutes les façons de calculer, tous les... Je suis un peu d'accord avec toi. Moi aussi, je laisserais ça à 16 matchs là, pour des revenus qui, dans le fond, donneront à peu près rien. Là, je veux dire, c'est un match de plus à domicile de rallonger ça de deux matchs. Donc... Je suis d'accord, par exemple, d'enlever un match hors concours. Là. Oui. Déjà qu'il était à 4 là, 2-3 ans, là, on raccourcit à 3. Moi, je raccourcirais peut-être ça à 2. C'est vrai que c'est une bonne façon de voir tes joueurs recrues, sauf qu'en même temps, là, les équipes, avant même qu'ils leur pêchent, ils savent s'ils ont de la place pour eux. Donc, c'est vraiment un conflit là, que j'espère qu'il va se régler au plus vite parce que, écoute, c'est un des plus beaux sports à regarder à la télé. Puis moi, je sais que la saison est encore loin, sauf qu'on l'a vu là dans LNH en 2004-2005. Ça a pris du temps à se régler pour... dans le fond, là, pas tellement grand-chose. Donc, écoute, ça va être à surveiller. Pas tellement grand-chose. On a quand même un cap salarial là, du côté de la Ligue nationale. Ça a quand même changé beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression du côté de la NFL qu'il y a... Alors que dans la Ligue nationale, on jouait un peu du côté de beaucoup de propriétaires de notre survie. Dans la NFL, c'est ça, je disais tantôt, on dirait qu'on se bat pour des pacotilles puis des quelques millions de dollars pour les propriétaires alors qu'on est, on est multimilliardaires. C'est la Ligue qui va souffrir au final, là. Vraiment plus que, ne serait-ce que, peu importe lequel des deux parties va gagner, c'est vraiment la Ligue qui va payer pour. Et là, moi, je me souviens qu'en le dernier lockout, c'était en 87. Je me souviens, je l'écoutais pas, sauf que si je me fie aux statistiques qu'on avait dans ces années-là, les assistances n'étaient pas très élevées du côté des petits marchés comme Arizona. Donc, dans le fond, là, est-ce que ça va encore se répéter? Je pense pas, sauf que les partisans sont d'après moi les perdants là-dedans. Là. Et surtout qu'en 87, on avait utilisé des SCAB. Là. Oui. Tu sais, Kenny Reeves va devoir commencer ses étirements et on va ramener les Sentinelles de Washington. Falco. Joe Falco, là. Ouais. C'est Sean Falco, hein. Ouais, Sean Falco. Joe Flacco, Sean Falco, ouais, exactement. et je suis pas sûr que ça avait été quelque chose qui avait été très apprécié là, de la part des fans de voir des joueurs de remplacement se prendre la place des grandes stars, des Joe Montana et John Elway. Est-ce que tu penses qu'on pourrait y aller de la même façon là, du côté de la NFL si jamais la saison on se rend pas à la saison? Plutôt si la saison arrive? Ben moi ça serait pas vraiment une bonne façon de faire les choses, sauf que ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y en a gros qui ont mentionné le problème avec la NFL, c'est qu'ils ont monopole, mais ils n'ont pas le monopole du tout. Là, y a d'autres ligues qui ont été créées, la LCF l'été par exemple dans les canadiennes. T'as la UFL. Y a la UFL, il y a l'Arena Football League aussi. Sauf je sais que c'est pas. Sauf que ce qu'on va dire du côté des joueurs, c'est qu'il n'y a aucune ligue par le monopole de la NFL qui est tout seul. Il y a aucune ligue qui te permet de faire un salaire qui est même à la moitié de ce qu'on fait présentement dans la NFL. Je veux dire, la UFL, c'est 30 000 par année, puis si t'es chanceux, ils vont te laisser garder un T-shirt à la fin de la saison. Là. Dans la CFL, c'est pas mal la même chose, t'es d'accord avec moi? De toute façon, la CFL, c'est pas dans le même pays, donc ça compte pas, à moins qu'on décide de ramener les possés de Las Vegas, puis Baltimore, les historiens du Baltimore. Là. Mais dans ce cas-ci, c'est un autre pays. Il y a plus d'NFL Europe. Je veux dire, il y a des joueurs au collège qui font présentement plus d'argent que ce qu'on fait dans la UFL. Là. Hein, je veux dire, chaque a fait son argent en jouant au collège. Ben ouais, tout le monde. Une petite phrase. Ça, c'est un inside pour ceux qui ont vu le film Basketball. Mais oui, en effet, ça a l'air niaiseux à dire, mais il y a des joueurs qui font plus cher avec les petites enveloppes, les petits cadeaux au collège que dans les ligues alentour de la NFL. Donc, la NFL, dans ce cas-ci, est vraiment tout seul. Et je pense qu'on a un point du côté des joueurs. Mais ça, c'est la loi antitrust qui est vraiment très, beaucoup appliquée aux États-Unis. Microsoft en a déjà subi les foudres parce que c'était le même principe du côté de Microsoft. Microsoft avait 95% du marché et Apple avait à peu près le reste, un petit peu Linux. Donc, on était tout seul, ce qui faisait qu'on avait un monopole. C'est à peu près les mêmes statistiques du côté de la NFL. Exactement. Donc, dans le fond, je pense qu'il reste une solution. Là. C'est de ramener Mike Pringle. Je pense que ça serait... N'importe quoi. J'ai une question moi, intéressante et pertinente, JP. Est-ce que tu sais ce qui va arriver du côté du repêchage de la NFL? Est-ce ça que... va avoir lieu quand même. Présentement, ça a toujours lieu. Jamais été question de ne pas le tenir. Okay. Les équipes travaillent toujours sur leur dépistage. Puis, okay. à ce niveau-là. Donc, là, ça a lieu selon le classement de l'an dernier. Oui. Par contre, s'il y a lock-out durant toute la saison, est-ce qu'on fait une loterie un peu comme on en a vu dans la LNH ou on est trop tôt pour avoir une information à ce sujet-là? Il est trop tôt. Là. Ça a sorti cette semaine, le lock-out. Je pense pas qu'on pense à ça aussi. Au moins, il y a ça le repêchage d'intéressant là, à suivre. Ouais, parce que le lock-out, c'est juste du PR puis du parlage. Là. Donc, au moins, on peut suivre le repêchage. Une chance que ça a lieu. Donc, les équipes sont toujours en train de travailler là-dessus. Ouais, parce que le repêchage, c'est quelque chose qui se passe seulement entre les équipes. Il n'y a pas de joueurs d'invités. Les joueurs, à partir du moment qu'ils sont recrutés, là, tombent des joueurs de la NFL, mais ils tomberont pas dans... Se mettre en l'arcade. Non, ben oui, d'un point de vue technique, mais non, parce qu'il n'y a plus de syndicats. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas ce qui arrive avec eux autres exactement, comment ça va fonctionner, là. Alors que dans la Ligue nationale, les recrues qui avaient été repêchées n'avaient pas été signées, par contre. Donc, ça change. Hey, tu parlais de PR, puis de médias, puis tout ça, JP. Il y en a deux qui ont fait deux qui ont fait un mouvement de PR assez gros. Roger Goodell, le commissaire de la Ligue, et le General Counsel, là, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en français, là, Jeff Pasch, ont décidé que leur salaire durant le lock-out allait être de 1$. Dans le fond, lui, il passe de 10 millions par saison à 1$. Comme tu l'as dit, c'est un mouvement de PR plus que d'autres choses. S'il n'y avait pas les reins assez solides pour la mettre. Exactement. Je pense que ça fait 3-4 ans qu'il s'en met de côté juste pour dire c'était-tu vraiment nécessaire? C'est plus du PR, comme tu l'as dit, que d'autres choses. Mais c'est à souligner quand même que le gars, il fait ça. Sauf que si on regarde son salaire des dernières saisons, qui est 10 millions par année, donc il vivra pas dans la rue avant... Au pays, s'il y a de quoi, les autres propriétaires disent « Regarde, tu prendras de quoi dans la petite caisse, là, puis on ne regardera pas. » Exactement. ça a sorti dans Forbes, là, Paul Allen, qui est officiellement le propriétaire le plus riche de la Ligue, avec une fortune de 27 milliards. Donc, Paul Allen, c'est Microsoft, hein? C'est Seattle. C'est le cofondeur de Microsoft. Ouais. Lui, dans le fond, il y a Vulcan et tout, qui est propriétaire des Seahawks de Seattle puis des Trailblazers de Portland. Donc... Ça fait de l'argent pas mal. Bon, ben c'est bon pour la NFL. JP, on s'en va une pause. On va aller un petit peu en musique. Foo Fighters, tu connais? Oui. Oui. Et au retour, on va parler de basketball collégial. Le March Madness là, qui débute cette fin de semaine. Pas cette fin de semaine, mais jeudi. Donc, on va parler de ça. Et on te ramène, on te garde en attente. Parfait. Mais bon... Donc, on s'en va une pause. Il est présentement 9h31. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie. N'hésitez pas à nous joindre. Là, notre site, notre adresse, c'est le live commercial inconduitedepartie.com et notre site web, bien sûr, inconduitedepartie.com. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHMQ, les Cataracs étaient de passage au Colisée Pepsi hier pour y affronter les Remparts. Même s'ils ont concédé les deux premiers buts, les Remparts sont revenus en force pour l'emporter 4-3 et ainsi priver Shawinigan d'un quatrième gain consécutif. Au Cap-Breton, maintenant, les Sea Dogs n'appuient pas sur les freins hier en emportant 4-1 sur le Screaming Eagle. Dans la victoire, Jonathan Huberdeau a inscrit son 41e but pour atteindre le plateau des 100 points cette saison. À Montréal, maintenant, c'est toute une raclée que le junior a donnée aux Drakkars de Bécomo qui ont subi la défaite par un pointage de 7-0. Le Drakkar n'a dirigé que 13 lancés sur Jean-François Bérubé qui a enregistré son troisième blanchissage de la saison. Au hockey de la Ligue nationale, maintenant, c'est une 8e victoire de suite pour les Capitals qui l'emportent 4-3 sur les Blackhawks de Chicago hier après-midi. La partie s'est terminée en prolongation et c'est Mike Knuble qui a fermé les livres en inscrivant son 16e de la saison. De leur côté, les Sabres de Buffalo l'emportent 6-4 face aux Sénateurs d'Ottawa. Cette victoire a permis aux Sabres d'atteindre le 7e rang dans l'Est à égalité avec les Rangers de New York. Toujours dans la Ligue nationale, c'est cette semaine que les DG pourront débattre sur le sujet des commotions cérébrales lors de la réunion annuelle qui se déroulera de lundi à mercredi en Floride. L'association des joueurs n'est pas invitée à cette réunion. Au tennis maintenant, le Canadien Milos Raonic continue sur le bon chemin hier au tournoi d'Indian Wells. Raonic a battu l'Américain Marty Fish en deux manches de 7-5 et 6-4 pour passer au troisième tour du premier Master de la saison. Et finalement, au sport universitaire, vos Patriotes Soccer étaient en action hier au Centre Alphonse Desjardins. Malgré deux buts de Marie-Michel Lapointe et d'Audrey-Anne Garceau, les filles n'ont pas été aptes à signer la victoire sur Laval qui l'ont remporté 4-2. Meilleur sort du côté des hommes qui affrontaient Sherbrooke. On a dû se rendre en fusillade pour voir Vincent Gay-Côté effectuer un magnifique arrêt pour donner la victoire victoire au sien. La prochaine partie des Patriotes sera dimanche prochain contre McGill, qui l'ont remporté 5-1 hier contre Concordia. Le match opposant l'UQTR à McGill se déroulera au centre Alphonse Desjardins. Voilà, c'était vos informations de l'inconduitdeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Fighters avec la chanson Rope. C'est de leur nouvel album là qui vient tout juste de sortir, ou du moins je crois qu'il est pas encore sorti, mais qui va sortir très bientôt là sur les marchés. JP, oui. Toujours avec nous. Toujours là. C'est bon, on sait jamais, des fois les lignes ça peut raccrocher hein. Ouais, mais non, toujours là. JP. Oui, pas intéressant de l'année là présentement. Ouais, de l'autre côté de la frontière, au sud de la frontière, devrais-je dire, c'est le temps du March Madness, le plus gros tournoi de basketball là, sur la surface de la planète. Exactement, hier il y avait dans le fond le fameux événement de dévoiler les équipes. Donc, ça a été fait sur ESPN. Donc, malheureusement, au Québec, je pense pas que c'était disponible. J'ai écouté un peu sur Internet. J'ai pas vu, là, mais peut-être sur TSN 2, parce que TSN 2 et TSN, dans le fond, se lancent dans la diffusion là, de thèmes, pas de thèmes, mais du March Madness, là, dans le fond. Là. Cette année, pour la première fois, ça ne sera pas seulement à CBS. Ben, excellente nouvelle. Ouais, ben oui. Écoute, pourquoi pas? Je me dis, c'est l'excellent calibre. Une chance de montrer aux Canadiens ce qu'on a de l'autre bord de la frontière. Autre chose que les Raptors. Donc, on y est plus sans plus tarder parce qu'on a quand même pas mal à dire. Là. Vas-y, vas-y. Écoute, premièrement, les quatre premiers seeds, si on veut, ont été dévoilés. C'est-à-dire Ohio State, Kansas, Pittsburgh et Duke. Écoute, ça va être encore une fois cette année un tournoi très relevé là, où la finale du Final Four se disputera à Houston. Donc, écoute, des surprises comme à toutes les années, des déceptions. Je sais pas si ça en a de ton côté, Nicolas. Ouais, ben moi, mon équipe, une de mes deux équipes ne participe pas au tournoi. Donc, l'Université du Vermont qui s'est inclinée. L'Université du Vermont, qui est probablement l'université la plus près du Québec, je crois, qui c'est à Burlington. C'est une demi-heure des lignes, là. C'est plus qu'une demi-heure, Burlington, par contre, là. Moi, ça me prend une demi-heure des lignes. Hey boy! Je sais pas comment dire ça. Moi, ça m'a pris plus comme une heure et demie, là. Tu te mélanges pas avec Plattsburgh, toi, là? Non. En tout cas. C'est clair, direct, précis. Non, il ne se mélange pas avec la place que t'as dit. Que donc, ils ont été éliminés en demi-finale là, du tournoi national là, de sa conférence donc ouais de sa conférence c'est l'Université de Boston hein, qui parle ça. Ouais c'est BU fait son 16e classe 16e donc je pense pas qu'il y ait des surprises à ce niveau là donc on sait jamais hein, toutes les années c'est l'histoire d'un match. On se souvient l'an passé Butler qui n'était pas classé très haut et qui avait quand même fini par se rendre en finale et presque causer la surprise donc écoute, cette année, moi, j'en ai des surprises. Mes deux équipes sont là, c'est-à-dire Duke qui ont remporté l'an passé. Je me donne le droit aussi de prendre pour UCLA, qui est quand même une équipe légendaire, mais qu'il n'a pas gagné depuis fort longtemps. Là, donc, écoute, les Bruins, je les adore. Sont classés 7e dans leur division. Donc, je vais faire peut-être une récapitulation des quatre conférences avec les meilleures équipes. Puis peut-être ma surprise pour chaque équipe. Donc, on va commencer avec l'Est. Sans surprise, le numéro 1, c'est Ohio State. On l'a dit, eux, qui ont dominé toute la saison. Avec une fiche quand même étonnante de leur côté. Là, ils ont fini la saison avec 32 victoires, 2 défaites seulement. Donc, eux qui ont facilement enlevé les honneurs du Big Ten. On a vu ça en fin de semaine, là, eux qui ont complètement dominé Michigan. Donc, à ce niveau-là, pas de surprise. Dans l'Est, c'est une division très forte cette année avec Xavier, Marquette, Syracuse. On a Washington, les Huskies qui sont toujours là. L'Université de la Caroline du Nord, puis on a aussi Villanova. Donc, c'est vraiment là un côté de section là, qui sera pas facile pour Ohio State. Puis ce que tu avais l'air de me dire durant la pause, c'est que c'est eux-mêmes qui se sont inclus dans cette braquette-là. Ouais, ben selon ce que j'ai lu, là, un des officiels de l'université, dans le fond, a participé aussi au comité de sélection là, pour placer les équipes, là, si on veut. Et étonnamment, il a placé son université dans ce que le journaliste qui en parlait le considère comme la plus difficile division là, qu'on peut retrouver. Belle marque de confiance envers ses joueurs. Ouais, d'un côté, mais... C'est un beau push, là. D'un autre bord... Tu vas avoir un masse de temps dans le Final Four pour te faire des marques de confiance. Temps, non, je trouve ça correct. Beau statement de la part de l'entraîneur envers ses coachs. Puis en même temps, ben justement, tu profites pas du fait que tu es là pour te placer pour te favoriser. Ouais. Je trouve ça correct. Je trouve ça très beau même à la limite. Je trouve que c'est d'un beau sport. Bien, bien, bien fait. Bel esprit sportif. Donc au niveau de l'Est... Non, mais t'as raison, sauf qu'en même temps, le but, c'est le championnat. La victoire est importante, c'est plusieurs revenus. Donc, Ohio State, je sais qu'ils sont pas une université qui a besoin de beaucoup de revenus. Ils en ont assez comme ça, sauf que quand même, il y a du guts. Ouais, faut le dire. Ouais, mais si ça avait placé dans la plus facile, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est ça, il profite de sa position pour le faire. Sauf qu'en même temps, il n'y a pas vraiment de conférences qui sont faciles. C'est comme on l'a dit, c'est pas des 4 de 7 comme dans la NBA, c'est l'histoire d'un match. Donc, souvent, on a vu des déceptions. Là, justement, l'équipe qui était peut-être trop sûre d'elle se sont faites éliminer dès en partant. On a déjà vu des équipes classées deuxième être sorties par une 15e position dans sa division. La seule chose qu'on n'a pas vu, à vrai dire, c'est une équipe classée première à être éliminée dès la première ronde. C'est jamais arrivé. Mais pour le reste, c'est le festival de ce qu'on dit en anglais, de l'upset, de la surprise. Les gars, Ohio State est classé combien à peu près là au rang? Je te sens ça. Là. Au pays ou? Ouais, ouais, au pays. Son premier cette année. Son premier cette année. Et au football, Ohio State est classé combien? Assez haut, merci aussi. Cette année, ils vont être sixième. C'est quand même assez impressionnant là que dans les deux sports majeurs américains, on se classe premier et sixième. C'est arrivé une fois dans l'histoire que autant au basket qu'au football, on a remporté les grands honneurs. Puis c'est Florida, là, 3-4 ans. C'est magnifique, là. Il y avait... Faut que tu fasses du développement assez fort. Comment il s'appelait en Floride? Il joue pour les Bulls, Noah... Joachim Noah, qui était là. Ouais. Quand même, impressionnant. Ça doit être magnifique pour le recrutement les années subséquentes. Ah ouais, c'est sûr que... Mais de toute façon, je veux dire, Ohio State, quand font leur recrutement, c'est... Écoute, voici nous, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est un programme comme ça, je veux dire, à partir de là, c'est des petits détails qui font que quelqu'un va préférer... mettons, un joueur de basketball va préférer Duke à Ohio State. Ou quoi que Duke est un peu plus légendaire là, quand même. Un peu pareil pour les Tar Heels. Mm-hmm. Ce qui arrive avec ces universités-là, c'est qu'ils ne repêchent pas seulement localement, ils vont nationalement. Donc, c'est plus facile d'amener pour eux, par exemple, un gars de la Californie qui est quand même classé un des bons espoirs sortant du secondaire. Mm-hmm. Plutôt que, par exemple, Long Island University, qui sont classés 15e dans le March Madness, qui, eux, ont des talents locaux venant de New York. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont d'autre, à part des Italiens, je le sais pas, là, donc... plusieurs Afro-Américains aussi, là. Oui, sûrement, oui, donc... Ben, tu sais, cosmopolite comme c'est, une ville comme New York... très souvent, mais quoi que ça a l'air niaiseux à dire, mais il y a de l'excellent basketball qui se joue dans les ghettos de New York là. Le problème souvent c'est que ces gens-là ont pas l'opportunité de se rendre à l'école secondaire, donc imagine après ça à l'université, c'est très difficile pour eux. Plusieurs me disaient que gars, il y a des joueurs qui ont juste pas le goût d'aller à l'université. Ils pourraient probablement être dans les meilleurs au collège, mais ils ont juste pas le goût. Donc, ils restent à l'endroit où ils sont, puis ils vont pas à l'université. Donc, je vais sûrement reparler vendredi. Je vais être là sûrement, pour parler plus de la braquette, là, si tu me donnes assez de temps, Nicolas. Ouais, ouais, ouais. Écoute, j'ai hâte d'en parler, là, moi, qui est un de mes temps préférés. CBS va sûrement encore présenter ça sur leur site Internet, comme à tous les années. Donc, pour les amateurs de basket dans vos classes, là, n'hésitez pas à utiliser l'Internet sans fil. Écoute, je serai là comme à toutes les années. Donc, mon cours de jeudi ne sera pas très éducatif pour ma part. C'est quoi le site là, qui fonctionne si bien là, pour aller voir à peu près tout ce qui se passe sur le sport? Il y avait ATDHE.net. Là, il est rendu ATDHENet.tv. Ah, OK, parce qu'il fonctionnait cette semaine. Non, mais pour, on s'en fout. CBSSports.com. Ah, oui? Oh, ouais, les matchs sont tous sur Internet. Ah, mon Dieu, au même station. Site que. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben, bravo CBS. Ouais, là-dessus, on n'a pas niaisé avec la porte. Puis l'an passé, comme si je me souviens bien, là, pour ceux qui sont peut-être un peu moins experts, on avait comme la fonction que eux, c'est eux qui s'occupaient de choisir ton match comme les plus intéressants. Si on a un match qui était plus intéressant, on faisait tout simplement switcher, donc... Ouais, ben non, mais l'an passé, quand je l'écoutais dans mes cours, ce que je pouvais faire, c'est aller voir tous les matchs, un après l'autre. Tu choisis le match que tu veux voir. Rappelle-moi quel cours t'as manqué, Nicolas? Loi et règlement. Ah, bon, c'est le fun de te manquer celui qu'il fallait que tu manques. Non, mais je veux dire, j'ai rien manqué, j'écoutais aussi, là, je suis multidisciplinaire. JP, on a ajouté des équipes cette année, là, 68 équipes, selon ce que je peux voir. Ben oui, puis écoute, il y aurait comme à toutes les années les matchs suicides, là, si on veut, entre deux universités. Écoute, à 300, presque 20 équipes, si je me trompe pas, t'as pas le choix là, d'avoir des équipes de plus. Les revenus augmentent, donc les revenus augmentent pour les universités aussi, les participants, ouais. Donc très bonne initiative, si je veux dire. On va appeler ça le First Four. Exactement. Puis ce qui est le fun au basket, c'est que les joueurs peuvent jouer plusieurs jours consécutifs. Donc, c'est pas comme au hockey ou au football où que le temps de récupération doit être nécessaire. Donc, non, je trouve ça intéressant. Encore une fois, il y a des équipes qui méritaient d'être là qui n'ont pas été sélectionnées, mais ça, que voulez-vous, là, c'est pas mal moins pire qu'au football avec le BCS au moins. Donc, ouais, non, c'est sûr. Je trouve ça le fun qu'il y ait un comité plutôt qu'un ordinateur qui choisit au moins les équipes, là, puis... Écoute, vous avez une équipe là comme UC, ben dans le fond l'Université de la Californie à Santa Barbara. On les voyait à la télé, toute l'équipe qui était dans un local réservé pour eux, puis pour eux, c'est un rêve qui se réalise enfin de jouer dans ce tournoi-là, là, qui est une université qui ont dit à la télé de 1200 étudiants. Donc écoute, c'est une chance incroyable pour cette université-là, puis pour ces jeunes-là de se faire voir nationalement. Donc écoute, eux qui étaient fous de joie, là, puis c'est beau de voir ça. Plutôt que des grosses universités comme Duke, par exemple, que tu sais qu'ils vont être là toutes les années, là, malgré un upset, comme on l'a dit, mais ça se réalise presque jamais, là. Ouais, puis ceux qui atteindront pas ça vont aller jouer au MIT tournoi, là, le National... Un tournoi de consolation. Ouais, le National Invitational Tournament, ou comme d'autres l'appellent, le Not Invited Tournament, dans le sens que t'as pas été invité à la grande danse, fait que viens jouer au Madison Square Garden à la place. Mais un tournoi quand même, l'an dernier, UNC était dans ce tournoi-là, parce que les Tories avaient pas été invités à la grande danse, si je me souviens bien. Exactement. Puis je suis un peu déçu, par exemple, cette année, la première ronde, t'as tout le temps des régions. Ouais. Je suis un peu dommage qu'on en ait pas si proche d'ici que ça. Là, l'an passé, on avait Buffalo, on avait Albany, c'était quand même plus proche pour aller en voir. Moi, je serais allé peut-être cette année. J'ai une session un peu moins occupée, là, puis que ça coûte pas cher en plus. Donc, non, c'est pas mal dans les grosses villes, ouais, là, où plusieurs kilomètres d'ici. Le donc, plus proche était Newark au New Jersey. Donc, pour une fois, il va y avoir des gens dans l'aréna des Devils. Exactement. Ça va être plein, là. C'est tout le temps plein, là. On n'y aise pas. D'ailleurs, la finale, c'est pas dans un arena, c'est au Reliant Stadium à Houston. Le stade des Texans. Puis même en fait, semaine, on avait les finales de conférence qui jouaient dans des stades de football, par exemple le Georgia Dome à Atlanta. Ouais, ben on coupe le Georgia Dome en deux, là. Dans le fond, on installe une estrade temporaire. Ça reste quand même plus gros qu'un arena de, ouais, de quartier. C'est à peu près 30 000 personnes. C'est spécial, ça, cette ambiance-là, hein, parce qu'on voit les sièges qui continuent au loin. Puis on a une toile qui vient couvrir. Mais plusieurs équipes, à San Antonio, c'est encore comme ça? Oui, mais écoute, en parlant de ça, RDS, je sais qu'en fait, on peut un reportage en fin de semaine là-dessus sur les arrangements de Syracuse à cause du Québécois Chris Joseph qui joue là-bas. Ouais. J'ai pas eu l'entrevue. Je trouve qu'on a manqué une belle occasion de présenter le sport, son dynamisme, puis le côté spectaculaire. On a plutôt insisté sur l'orchestre de l'école qui jouait. Malgré tout, c'était quand même entrevue. C'est un peu décevant à ce compte-là. J'ai vu aussi l'entrevue, puis je me faisais la même remarque parce qu'on a manqué une belle occasion de démontrer à quel point le basket universitaire puis le basket de l'NBA, c'est pas du tout le même sport. Ça aurait été intéressant là, du côté d'RDS de remplir son mandat pour une fois, mais on a décidé de pas le faire. Ben non, je vais te contredire là-dessus sur une chose. Ils sont déplacés à Syracuse, aller faire un reportage sur le basket. En partant, ça c'est correct, mais je veux dire, ça c'était la moindre des choses à faire. Je veux dire, par la suite, il aurait fallu que tu l'embellisses comme il faut. Si tu veux mon avis, si le journaliste là-bas n'a pas fait sa job, c'est de sa faute. Je vais féliciter RDS là-dessus. Je ne sais pas si la finale est présentée à RDS cette année. Je sais qu'il y a des années que ça a été présenté. Tout dépendant si le Canadien joue ce soir-là. D'habitude, ça vient influencer. Ça va être le 4 avril là, cette année. Donc, je ne sais pas si tu as l'horaire du Canadien devant toi. Philippe est en train de la sortir dans son bon vieux portefeuille. 4 avril. Non, on joue le 5 contre Chicago à 19h30 à domicile. Donc, on va aller voir. On continue, JP. Je vais aller voir ça. Là. Donc, as-tu des prédictions? Comment tu vois ça, là, toi? Là? Ben là, mon équipe préférée, moi, c'est Duke. Donc, éventuellement, j'aimerais qu'il remporte. Sauf que cette année, je crois que les honneurs vont... Selon moi, la finale, là, ça va être Ohio State contre peut-être... C'est tellement dur à toutes les années, là. J'aime bien Kansas. À toutes les années, ils ont un programme très fort. Sinon, une équipe qu'on voirait peut-être pas là, puis qui pourrait se rendre loin. Moi, j'irais avec peut-être Syracuse ou encore Notre Dame. Sont surprenants cette année, là. Oui, ils ont une bonne équipe, Notre Dame, là. Donc, non, même Michigan, qui d'habitude n'ont pas des gros problèmes de basket malgré qu'au football, c'est complètement le contraire, ont surpris cette année. Donc, le Big Ten, qui était très fort cette année, je pense qu'une finale, ça va être Ohio State, Kansas, mais encore là, je vais peut-être plus regarder ça de cette semaine, là, entre deux cours. Ouais, de toute façon, ça a le temps de changer pas mal, hein. Exact. La prédiction de première ronde, c'est assez vite. Mais là, les gens, allez faire votre braquette, comme on dit, allez sur les sites américains, vous vous inscrivez, puis vous faites vos prédictions. Je sais pas si tu pourras en faire une pour l'inconduite, Nicolas. Ça va être compliqué là un peu là. On est faut créer un tournoi là dans le fond là. Mais moi je vais en faire une. On verra ça. On en fera une entre nous autres. On en parlera sur les ondes vendredi. Et j'ai bien l'an passé Pierre-Luc qui avait été le gagnant malgré ses connaissances presque nulles. Dans la ligue, donc. Fait que peut-être que je vais gagner cette année. Ouais, peut-être. Non, mais c'est une preuve que tout peut arriver dans ce tournoi-là. C'est vraiment ça. Si vous vous souvenez bien, Barack Obama, le dit président des États-Unis, avait réussi parfaitement son break. Ben, je sais pas s'il avait réussi, là, tous les matchs, mais avait réussi le vainqueur. Il y avait, je pense, son Final Four était. Ouais, son Final Four était correct. Était correct, là. Ce qui est déjà bon, là, en partant. Ouais, Sa braquette qui est disponible sur son site personnel à lui. Donc, écrit à la main tout, c'est intéressant. Okay. Belle initiative du président. Ouais. Hey, en terminant, j'ai été voir le 4 avril, pas de basketball à l'horaire là, du côté de RDS. Par contre, il y a du baseball. Donc, la saison de la petite balle s'en vient. Hey, merci beaucoup, JP. Ben, pas trop, les boys. On en reparle vendredi. Salut, JP. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. On s'en va en musique. On s'en va écouter Ankylose, The Groovy Aardvark. Bonne journée, semaine. Tout le monde. Bonne semaine. Bye-bye. Ankylose, tu me tiens par la prose. Tu me laisses dans le vide alors qu'il faudrait que j'ose éviter les questions qui n'ont pas de réponse. Éternelles, éphémères et tout ce qui bouge entre l'épaule. Le soleil est en grève, la lune dans la tasse, le ciel me tombe sa tête. La névrose, la névrose, ne prends-tu jamais de pause? Vigile en classe, décide-toi quelle est la cause. La psychose, comme la vue d'Albrecht Schultz. Me prends par la main, s'occupe de moi jusqu'à. Mal à ceux qui dorment pas, à ceux qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là, ceux qui foncent dans le tas en se bombant le torse, ceux qui travaillent dur, qui ne seront jamais le boss.